Kazan, écrit par James Oliver Curwood, traduction de Paul Gruyer et Louis Postif. Lu par Armen pour audiocité.net. Préface des traducteurs. Comme son frère Croblant, dont Jack London nous a conté si merveilleusement les évolutions psychologiques et les multiples aventures, Kazan, que dans ce volume nous présente Curwood, est un de ces chiens-loups employés dans le Northland américain, nord du Canada et Alaska, à tirer les traîneaux. Race mixte, mi-civilisée et mi-sauvage, supérieurement intelligente et non moins robuste, où fusionnent le chien et le loup, et dont l'instinct est sans cesse tiraillé entre la compagnie de l'homme, affectueux parfois, souvent brutal, et la liberté reconquise. Sujet qui semble particulièrement cher aux romanciers américains et qu'ils s'efforcent tous de traiter chacun différemment avec des effets et des péripéties diverses. Ce que Curwood a ici plus particulièrement dépeint en son héros chien, c'est plus que l'influence de l'homme, celle de la femme sur la grosse bête hirsute, capable d'étrangler quiconque d'un seul coup de gueule et qui rampe docile et obéissante aux pieds d'une maîtresse aimée. Et c'est son dévouement aussi, sa fidélité touchante pour sa compagne de race, la louve aveugle, dont il est devenu en un monde hostile où la lutte pour la vie est sans trêve, le seul guide et le seul soutien. Ce volume, comme tous ceux de Curwood, a le même attrait des choses vues et que nous dépeint fidèlement l'auteur qui vit en contact perpétuel avec elle. Univers bien lointain pour nous qui n'en est que plus séduisant et qui nous tire singulièrement de la contemplation de notre monde civilisé et de notre terre d'Occident. Et toujours, selon le système qui lui est cher, Curwood unit au tragique la détente alternée de l'esprit. À côté des souffrances du Northland, il en voit le sourire quand renaît le printemps, et les joies saines de l'énergie physique et morale chez ceux qui y vivent. En face de bien sombres pages, quoi de plus délicieux que la peinture des travaux et des mœurs des castors qui, sous la conduite du vieux Dent Brisé, barre le torrent près duquel Kazan et la louve aveugle ont établi leur gîte et les contraignaient, quoi qu'ils en aient, à déguerpir devant l'inondation. Ajoutons que dans le professeur Paul Wayman, qui a fait serment un jour émerveillé de leur intelligence de ne plus tuer de bêtes sauvages, Curwood s'est dépeint lui-même, chasseur jadis passionné, et qui, après avoir beaucoup massacré, s'est fait plus largement humain. Kazan et Louve Grise ont un fils, le petit Barry, que l'on retrouve dans un autre volume de Curwood intitulé « Barry chien loup » qui lui est spécialement consacré.